السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Nous allons étudier aujourd'hui, inshallah ta'ala, le cas de la femme enceinte et le cas de la femme qui allait. Par la suite, on étudiera, inshallah ta'ala, les conditions d'authenticité du jeûne. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié shurutul wujub, les conditions d'obligation, c'est-à-dire les choses qui, lorsqu'elles se réunissent, les choses qui, lorsqu'elles sont réunies sur une personne, elles se voient dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et nous avons mentionné 6 points. Quels sont ces 6 points? Dès lors qu'ils sont réunis sur une personne, elle se voit dans l'obligation de jeûner. Al-Islam, Al-Aql, Al-Bulur, Al-Qudratu Alayh, Al-Iqama, Wal-Khulu min al-Mawani'a. L'Islam, la raison, la puberté, la capacité, le fait d'être résident et l'absence d'empêchement, à savoir les menstrues et les lochis. Parmi les questions importantes et les points auxquels les savants ont donné beaucoup d'importance, il y a le cas de la femme enceinte et le cas de la femme qui allaite. Le cas de la femme enceinte et le cas de la femme qui allaite. Est-ce qu'elles ont l'obligation de jeûner? Si elles ne jeûnent pas, est-ce qu'elles ont l'obligation de rattraper? Ou on peut ne pas jeûner et nourrir à la place un pauvre par jour non jeûné? Ou elle peut unir entre les deux? Voici la question à étudier aujourd'hui, inshallah ta'ala. C'est une question dans laquelle il y a des divergences entre nos savants, rahimahumullah wa hafidhahum. Certains ont fait la distinction entre celle qui rompt le jeûne pour sa personne, car ça lui est difficile de supporter le jeûne, car elle est malade, et ainsi de suite. Ils ont fait la distinction entre ce premier cas et le second, qui est celle qui rompt le jeûne, car elle craint pour son enfant. Car elle craint pour son enfant qu'elle porte, ou elle craint de ne pas avoir assez de lait. Il y a donc une grande divergence à ce sujet. Beaucoup de savants disent que si la femme craint pour sa personne, que ce soit pour elle et l'enfant ou que pour sa personne, elle se doit de couper le jeûne, de ne pas jeûner et de rattraper ce jour. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala disait que ceci est la vie juste et qu'il ne connaît pas de divergence à ce sujet entre les gens de science. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, disait la même chose. C'est-à-dire que celle qui est enceinte et celle qui allaite, si elles craignent, alors elles craignent de jeûner, alors elles ne jeûnent pas et elles rattrapent. Sans avoir à nourrir. Et il disait que nos compagnons disaient, yani qala ashabuna, et au final il dit, la khilafa kulluhu la khilafa fi. Et dans tout cela, il n'y a pas de divergence. Donc, dans le Mughni al-Majmu', voici l'avis prépondérant. Quant à la femme qui craint pour son enfant, celle qui est enceinte ou qui allait, la plupart des savants disent qu'elle doit rattraper ce jour-là. Elle doit rattraper ce jour-là, car il la font ressembler à la femme qui est malade, à la personne qui est malade. Ça, c'est donc le premier avis. Le second avis est le fait de dire que la femme enceinte et la femme qui allaite, si elles ne jeûnent pas, donc si elles jeûnent, c'est valable et elles peuvent jeûner, sauf contre-indication du médecin. Sauf contre-indication du médecin, la femme enceinte et la femme qui allaite peuvent jeûner, le jeûne est valable. Mais dans le cas où elles ne jeûnent pas, dans le cas où elles ne jeûnent pas, que ce soit par peur de ne pas avoir assez de lait, et l'enfant est allaité, ou exclusivement allaité, que ce soit parce qu'elle craint mal que l'enfant se développe mal, car il est à une étape de son développement où c'est possible, où cela est possible. Dans ce cas-là, elle ne jeûne pas et elle n'a pas à rattraper ce jour de jeûne. Mais elle devra nourrir un pauvre par jour non jeûné. Mais elle devra nourrir un pauvre par jour non jeûné. Et on trouve cela dans la parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. On trouve également cela dans la parole de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Quant à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il disait: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. Donc Abdullah ibn Abbas disait: si la femme enceinte craint pour sa personne et la femme qui allaite pour son enfant dans la journée de Ramadan, elles rompent donc toutes deux le jeûne. Wayut iman, et elles nourrissent. Donc ces deux femmes auront à nourrir à la place du jeûne un pauvre pour chaque jour, sans avoir à le rattraper. Donc Abdullah ibn Abbas était d'avis que la femme enceinte et la femme qui allaite, dans cette situation, il fallait ne pas jeûner. Il fallait rompre le jeûne. Et il fallait nourrir un pauvre par jour non jeûné à la place de cela. Voici la parole de Abdullah ibn Abbas. Donc cela est un avis parmi les gens de science. Et c'est un avis retenu aussi parmi certains des contemporains. Et parmi les contemporains, ça n'est pas l'avis majoritaire. Mais ce qui apparaît, c'est que Abdullah ibn Abbas a dit cela chez les compagnons. Abdullah ibn Omar a dit proche de cela chez les compagnons. Et il n'est pas connu chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils les ont contredits. Il n'est pas connu chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils les ont contredits. Et il a également été rapporté de Abdullah ibn Abbas qu'il a dit à une femme de faire cela. Donc kana yufti bidhalik, c'était l'avis religieux qu'il donnait aux gens. Il a vu une femme enceinte ou une femme qui allaitait et il lui a dit: tu es dans la position de celle qui ne peut pas jeûner, donc tu dois nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc voici ce qui a été rapporté de Abdullah ibn Abbas. Pareillement pour Abdullah ibn Omar. Pareillement pour Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Ainsi, donc Abdullah ibn Omar, ça a été rapporté par Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala. Une femme enceinte, elle a questionné. Et il lui a dit de rompre le jeûne et de nourrir pour chaque jour un pauvre. Pour chaque jour un pauvre. Ainsi, cet avis a été retenu par des savants. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile. Il choisissait la plus facile. Ainsi, la femme a le droit, si elle ne jeûne pas, d'avoir recours à cela. D'avoir recours à cela, car c'est appuyé par la parole de compagnon radiallahu anhum. Et si elle souhaite sortir de la divergence, si elle souhaite sortir de la divergence et choisir la sécurité, elle peut rattraper, elle n'aura pas à nourrir de pauvres. Elle peut rattraper, elle n'aura pas à nourrir de pauvres chez, selon l'avis de la plupart des savants. Selon l'avis de la plupart des savants. Barakallahu fikum. Il y a une remarque importante à ce sujet. C'est que la femme qui a accouché, et qui est donc Nufasa, qui a le sang des Loshi, cette dernière ne peut pas avoir recours au fait de nourrir des pauvres à la place du rattrapage des jours de jeûne. Donc on conditionne le fait de ne pas avoir ses menstrues ni les Loshi. La femme qui a ses Loshi, elle doit noter ses jours de jeûne et elle devra les rattraper lorsqu'elle le pourra. Que ce soit l'année suivante, que ce soit dans 2 ans ou dans 3 ans, peu importe. Elle devra les rattraper. La femme indisposée, c'est pareil. La femme qui a ses menstrues, elle ne peut pas nourrir de pauvres à la place. Elle doit noter ses jours, à supposer que c'est 7 jours dans le mois. Ben, elle pourra nourrir des pauvres pour tout le mois, mais sauf ces 7 jours. Pour ces 7 jours, elle devra les rattraper. Elle devra les rattraper. Donc il faut faire attention à ce point-là. Une autre remarque, il s'agit ici de l'enfant qui est allaité. Il s'agit ici de l'enfant qui est allaité et qui ne mange pas encore. Pour la plupart d'entre vous, ou bien ceux qui ont des enfants savent qu'il y a plusieurs étapes dans l'allaitement et le sevrage, et aussi le commencement du mélange entre l'allaitement et les premiers légumes donnés, ou les fruits. Si l'enfant est arrivé à l'étape où il mange, à ce moment-là, la femme, on lui dira de rattraper ses jours, car là, elle n'est plus au stade où l'enfant est dans un besoin primaire du lait. Ou bien dit différemment, il n'est plus exclusivement allaité et dépendant de l'allaitement. Barakallahu fikum. Avant de passer au sujet suivant, shurutu siha, les conditions d'authenticité du jeûne, voyons pour conclure le cours d'hier, 2 questions. C'est le cas, donc on a mentionné que parmi les conditions d'obligation du jeûne, il y a le fait d'être résident. Qu'en est-il du voyageur? Qu'en est-il du voyageur qui rentre chez lui pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'il a l'obligation de jeûner ce jour-là ou non? Ça dépend. S'il arrive avant le Fajr, il a l'obligation de jeûner ce jour et de mettre l'intention. S'il arrive après le Fajr, na'am, et qu'il est en état de jeûne, il poursuit son jeûne jusqu'au Maghrib et il lui est valable. Et s'il est arrivé et qu'il ne jeûnait pas, et qu'il arrive dans la journée de Ramadan, alors il continue à ne pas jeûner et il devra rattraper ce jour de jeûne. Et à titre de rappel, il me semble qu'on l'ait mentionné hier, la femme indisposée, qu'en est-il de son jeûne si elle se purifie? Ça dépend. Si elle se purifie avant l'entrée du Fajr, ne serait-ce qu'un instant, alors elle met l'intention de jeûner ce jour-là, il lui est obligatoire et il lui est valable. Elle n'aura pas à le rattraper. Même si elle ne s'est pas lavée avant le Fajr, ce qui importe, c'est l'interruption des menstrues. Deuxième cas, si elle se purifie après le Fajr, alors ce jour-là n'est pas valable. Elle ne peut pas entamer une journée de jeûne après le Fajr. Ce jour-là n'est pas valable. Elle continue à ne pas jeûner, mais elle devra le rattraper. Mais elle devra le rattraper. Voici pour ces questions-là. Passons maintenant à shurutu sihhati siyam, les conditions d'authenticité du jeûne de Ramadan. Que signifient les conditions d'authenticité? C'est-à-dire les choses qui, si elles sont réunies chez les jeûneurs, il aura accompli l'ordre demandé et il y aura les effets recherchés. Il aura mis en pratique ce qui lui aura été demandé. Il n'aura pas rejeûné, rattrapé ce jour. Et il obtiendra les effets de cela. C'est-à-dire qu'on ne lui réclame pas. On ne lui réclame pas à nouveau ce jour de jeûne. Et Inch'Allah, il a la récompense. Les conditions d'authenticité sont l'islam, l'aql, l'tamyiz, انقطاع دم الحيض او النفاس et تبييت النية من الليل. Les conditions d'authenticité sont l'islam, donc le jeûne n'est pas valable, le jeûne n'est pas valable du kafir. La deuxième condition, l'aql, qu'il ait la raison. Celui qui n'a pas la raison de manière totale, n'a pas à jeûner, et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. Car celui qui n'a pas la raison, il ne peut pas mettre l'intention. Et le jeûne repose sur l'intention, en plus de l'abstinence. La troisième condition est tamise, atteindre l'âge du discernement. Il comprend, il fait la distinction entre le bien, le mal, le bon, le mauvais. 7 ans. En général, c'est 7 ans. La quatrième condition, c'est l'arrêt total du sang des menstrues ou des lochis. La cinquième condition est le fait de mettre l'intention de jeûner avant le Fajr. Le fait de mettre l'intention de jeûner avant le Fajr. Concernant l'islam, on a déjà détaillé ce point-là. Celui qui n'est pas sur l'islam, ses actes ne sont pas acceptés chez Allah Azza wa Jal. Concernant la raison, il y a plusieurs degrés de celui qui, pour celui qui a perdu la raison. Quant à celui qui a perdu la raison, son jeûne, pourquoi n'est-il pas authentique, pas valable? Parce que le jeûne repose sur deux choses. Al-imsak, l'abstinence, et al-niyya, l'intention. Un délaissement et une intention. Et celui qui n'a pas la raison ne peut avoir l'intention. Il ne peut avoir l'intention. Le premier cas, c'est celui qui est majnoun, celui qui a perdu totalement la raison. Lui, son jeûne n'est pas valable. On ne lui demande pas de jeûner, ni de prier. Le deuxième cas, c'est celui qui perd la raison momentanément parce qu'il s'est évanoui. Parce qu'il s'est évanoui. Dans ce cas-là, les savants ont divergé. Est-ce que son cas est plus proche de celui qui est en train de dormir? Alors on lui demande de rattraper ce jour-là. Ou son cas est plus proche de celui qui a perdu la raison? Alors on ne lui demande pas de rattraper ce jour-là. Il est excusé pour ce jour. Et lorsqu'il reviendra à la raison, on lui demandera de jeûner les jours à venir. Les jours à venir. Donc il y a une divergence entre les savants et selon l'avis adopté, on lui dira de rattraper ou non le jeûne. La sécurité ici, c'est qu'il rattrape le jeûne. La sécurité ici, c'est de lui dire qu'il est redevable de ce jour de jeûne. Le troisième cas, c'est le cas de celui qui couvre sa raison suite à une action de sa part, comme le fait de boire de l'alcool, comme le fait de consommer de la drogue. S'il perd la raison, s'il consomme de cela, déjà, il est dans le haram, dans les grands péchés. C'est haram. Le fait de boire de l'alcool, c'est haram. C'est un péché extrêmement grave. Et le musulman doit se repentir de cela et cesser cela. Si le simple fait de fumer est haram, que dire alors? De fumer du cannabis ou autre, c'est haram, c'est gravissime. Et quelle meilleure occasion et opportunité pour se repentir que le mois de Ramadan, pour se sevrer et délaisser cette servitude à ces drogues, à cet alcool, au shaitan en réalité, que de saisir le mois de Ramadan pour le faire. Si la personne est véridique avec Allah et qu'elle cherche l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'elle fait les efforts, elle fait les causes, bi'idhnillah, elle diminuera jusqu'à délaisser le tout. Bi'idhnillah, elle diminuera la cigarette jusqu'à abandonner complètement. Et cela a été observé, alhamdulillah, chez un nombre incalculable de personnes. Mais il faut céder d'Allah et être déterminé dans cette mission à réaliser. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Sois déterminé dans ce qui t'est profitable et cherche l'aide auprès d'Allah. Voilà ta'jiz, et ne te décourage pas. Donc c'est ainsi qu'il faut être. Et ne dis pas, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, j'ai déjà essayé, je n'arrive pas. Dis la hawla wa la quwwata illa billah. Sois déterminé, sois motivé. Tu arrives à délaisser pendant la journée de Ramadan. Quelle est la différence entre la journée et la nuit? Ce qu'Allah t'a facilité la journée, il peut te le faciliter la nuit. Mais il faut que tu aies la même détermination. Il faut que tu sois véridique avec Allah Azza wa Jal. Recherche le bien, tu le trouveras chez Allah Azza wa Jal. Et plus encore. Donc ce dernier a commis un péché, il doit se repentir. On ne lui dit pas de jeûner, car ça n'est pas valable, mais on lui dit de rattraper ce jour-là. On lui demandera de rattraper ce jour-là. Quant à celui qui dort, nul doute que... Il jeûne et son jeûne est valable. Il jeûne et son jeûne est valable. Voici pour cette condition-là. Donc je reprends. Il y a l'islam, il y a la raison. Passons maintenant au tamyiz, au discernement. Le discernement, comme ça a été mentionné, c'est le fait d'atteindre 7 ans. Le fait d'atteindre 7 ans. Est-ce que le jeûne de l'enfant est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Mais là, nous sommes dans les conditions d'authenticité. C'est-à-dire que dans le cas où l'enfant jeûne, son jeûne est valable. Mais à partir de quand? La personne passe par 3 étapes. Le petit enfant, donc le bébé jusqu'à 7 ans. Et il y a ensuite l'âge du discernement, lorsqu'il complète 7 ans. Et il y a ensuite l'étape de la puberté, au maximum à 15 ans révolu. Avant 7 ans, le petit enfant, on ne lui dit pas de jeûner, ça n'est pas valable. Car il ne distingue pas encore. Après 7 ans, il atteint l'âge du discernement. Son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Ici, s'il jeûne, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il peut mettre l'intention et s'abstenir de commettre ceux qui annulent le jeûne. Quant à l'enfant qui a moins de l'âge du discernement, il n'a pas l'intention. Ça n'est pas valable, exception faite pour le pèlerinage, car il y a une preuve. Car il y a une preuve. Et les pieux prédécesseurs faisaient jeûner leurs enfants. À condition qu'ils supportent cela. Ce n'est pas tout enfant qu'on encourage au jeûne. Mais celui qui supporte, il s'entraîne à jeûner. Afin qu'il prenne l'habitude et que ça lui soit facile une fois qu'il lui deviendra obligatoire. Et je répète, l'enfant qui peut jeûner, c'est celui qui supporte. Quant à l'enfant qui est trop faible, on ne le fait pas jeûner. On ne le fait pas jeûner, car ça serait contre-productif. La condition suivante est propre aux femmes, c'est l'arrêt total des menstrues ou des lochies. On a mentionné hier que pour que le jeûne soit obligatoire, il faut l'absence d'empêchement pour la femme, c'est-à-dire menstruer et lochie. Tout comme c'est une condition d'obligation, c'est aussi une condition d'authenticité. Ainsi, la femme qui a ses menstrues ou ses lochies, son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable. Du Fajr au Maghrib, il faut l'absence de menstrues et de lochies. Ainsi, si la femme arrive avant le Maghrib, ne serait-ce qu'un instant avant le Maghrib, et qu'il y a la présence, l'écoulement du sang des menstrues ou des lochies, le jeûne de ce jour-là est annulé et elle devra le rattraper. Seulement, elle devra le rattraper. A l'inverse, si le sang s'arrête ne serait-ce qu'un instant avant le Fajr, elle met l'intention et elle jeûne ce jour-là et il est valable, même si elle ne s'est pas lavée avant. Même si elle ne s'est pas lavée avant. Quelle est la marque qui va montrer à la femme que ses menstrues sont arrêtées? Une de deux marques, un de deux signes. Le premier, c'est la sécheresse totale, qui n'est point troublée de marron ou autre. Donc si elle met un coton et l'observe par la suite, elle voit qu'il est blanc. Elle voit qu'il est blanc. Mais s'il reste du marron, elle qudra ou bien soufra, dans ce cas-là, elle est encore indisposée, elle doit attendre. Elle doit attendre. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle al-qassat al-bayda. Al-qassat al-bayda. C'est une matière blanchâtre que certaines femmes, pas toutes, observent lors de la fin des menstrues. Lors de la fin des menstrues. Si la femme observe un de ces deux signes-là, elle est pure. Elle met l'intention de jeûner. Donc avant le Fajr, forcément. Et elle jeûne ce jour et elle est valable. Je répète, si le sang s'arrête avant le Fajr, elle est obligée de se jeûner ce jour-là. Si le sang coule avant le Maghrib, ça annule son jeûne. Elle est obligée d'interrompre son jeûne et de rattraper ce jour-là. Barakallahu fikum. La preuve de cela, dans le Bukhari Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Alaysa ihdakun idha hadat lam tasum wa lam tusalli? Qulna bala. N'est-ce pas que lorsque l'une d'entre vous est indisposée, elle ne jeûne pas et ne prie pas? Nous dîmes, certes. Donc ça, c'est une chose connue. Et une femme est partie voir Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, et l'a interrogée. Et elle lui a demandé: comment se fait-il que nous les femmes, lorsque nous sommes indisposées, on ne prie pas et on ne jeûne pas, mais on rattrape le jeûne, mais on ne rattrape pas la prière? Aïcha radiallahu anha lui a dit, Aharuriyatu anti, est-ce que tu fais partie de la secte des Khawarij? Ceux qui rendent mécréants les musulmans par tout grand péché, ceux qui se rebellent contre les gouverneurs, ceux qui ont de l'exagération dans la religion. Elle a dit, là. Elle a répondu non. Wa innama as'al. Mais je ne fais que questionner. Aïcha radiallahu anha l'a suspecté lorsqu'elle a vu cette exagération qui était connue de ces gens-là. Et Aïcha radiallahu anha était une femme savante. Puis elle lui a dit, après s'être assurée qu'elle ne faisait pas partie des innovateurs, des innovatrices, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper les jours de prière. Nous les musulmans, on se soumet à ce qui nous est venu dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et on suit ce qui nous est parvenu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La condition suivante, le fait de mettre l'intention avant le fajr. Car le jeûne est une adoration. Et pour chaque adoration, il faut l'intention. L'intention, ça englobe plusieurs choses. L'intention de faire une adoration, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. L'intention de quel jeûne s'agit-il ici, le jeûne obligatoire de Ramadan. Si la personne, dans un jeûne obligatoire, ne met pas l'intention avant le fajr, ce jour-là ne lui est pas comptabilisé. Et si elle a déjà l'intention, tant qu'elle ne coupe pas cette intention, ben c'est valable pour tout le mois, selon l'avis prépondérant des savants. Ainsi, la condition ici est de mettre l'intention au début du mois de Ramadan, lors de la première nuit, afin d'entrer dans le premier jour, d'entrer au Fajr avec cette intention. Est-ce qu'il faut remettre l'intention chaque nuit? Cela est une bonne chose, sans aucun doute. Tajdid al-Niyya. Mais est-ce que c'est obligatoire et c'est une condition d'authenticité? Non. La condition est de le mettre une fois au début du mois. Tant que cette intention n'a pas été interrompue par une chose survenue, comme l'apparition des menstrues, des lochis, comme le voyageur qui a coupé son jeûne. Une fois de retour, il devra remettre l'intention. Il devra remettre une nouvelle intention. La preuve de tout cela, deux hadiths. Le premier est le hadith de Hafsa radiallahu anha, qui nous dit, donc c'est la fille d'Omar al-Khattab, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أهل السنن وأحمد وغيرهم رضي الله أو رحمهم الله. Le premier, le hadith de Hafsa radiallahu anha, qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne met pas l'intention de jeûner avant le fajr n'a pas de jeûne. Son jeûne n'est pas authentique, n'est pas valable. Ce hadith est rapporté par Ahlus Sunan. Lorsque les savants disent Ahlus Sunan, c'est-à-dire l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et lorsqu'il dit Ahlul Kutubi Sitta, c'est-à-dire ces quatre-là, en ajoutant Al-Bukhari et Muslim. Donc, ici on voit que la personne qui n'a pas mis l'intention avant le Fajr, son jeûne n'est pas valable. Et Je disais auparavant, en me trompant, je pense, Man lam yubayit an-niyya. Man lam yubayit an-niyya. Naam. Donc, une intention suffit au début du mois, tant qu'elle n'est pas interrompue. Si elle est interrompue, il faudra remettre une nouvelle intention. Il faudra remettre une nouvelle intention. Le second hadith est la parole du prophète alayhi salatu wassalam rapportée par Omar ibn Khattab. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire la considération de l'action chez Allah comme étant bonne ou mauvaise, acceptée ou rejetée, a lieu en fonction de l'intention. Quant au jeûne recommandé, nafila, ceci n'est pas une condition. Il n'a pas l'obligation de mettre l'intention avant le fajr. Mais il a l'obligation de ne pas avoir consommé ou commis un acte qui annule le jeûne à partir du fajr. Ainsi, si il prie le fajr, ne va pas manger, il dort après ses invocations et se réveille, par exemple à 13h, et il se dit, vu que je n'ai rien mangé, ben je vais jeûner aujourd'hui. Ou bien il rentre, ou bien il est sorti au travail, il est rentré. Et il demande, est-ce qu'il y a à manger ou est-ce que c'est prêt? On lui dit non. Non, on lui dit non. À ce moment-là, il se dit, ben, il reste pas beaucoup, je vais jeûner aujourd'hui. Je vais jeûner aujourd'hui. Non, parce qu'en général, il y a le choix entre plusieurs choses. Il y a le choix entre blâmer la femme, ou lui dire comme d'habitude, ou bien s'énerver. Il y a le choix entre attendre et en patientant. Naam. En se disant, tout comme lorsqu'elle me demande des courses, je tarde. Ici, elle tarda à servir. Alors, tout comme je ne lui demande pas tous mes droits, je vais patienter sur les miens. Et il y a le choix de se dire, bah, je vais faire meilleur que tout cela. Je vais chercher à me rapprocher d'Allah Azza wa Jal en jeûnant. S'il décide, est-ce qu'il peut? La réponse est oui, à condition qu'il n'ait pas commis un acte qui annule le jeûne depuis le fajr. Depuis le fajr. Donc il met son intention à partir de 13h et son jeûne est valable. Mais est-ce qu'il aura la même récompense que celui qui a mis l'intention dans la nuit? Non. Non, sinon il serait égaux chez Allah Azza wa Jal et l'islam nous montre que ça n'est pas le cas. Celui qui fait plus avec une meilleure intention a plus. Plus et à plus de récompenses. Donc, il peut faire cela. Pour preuve, le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré. Dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zatayum. Faqala hal indakum shay? Et il a dit, est-ce que vous avez quelque chose, c'est-à-dire à manger? Fakulna la, nous dîmes non. Qala fanni idhan sa'im. Il répondit, alors je jeûne. Donc, on tire de ce hadith qu'il a mis l'intention qu'à ce moment-là. Et c'est valable. Et c'est valable. La meilleure maison au monde. La maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre. Et il n'y a pas à manger, de par la difficulté, de par la pauvreté qui les touche. Subhanallah. Nous, au jour d'aujourd'hui, il y a sur nos tables ce qu'avaient les rois anciens sur leurs tables. Il y a la diversité. Il y en a pour tous les goûts. Celui qui veut du sucré, il trouve du sucré. Celui qui veut du gazeux, il trouve du gazeux. Désormais, les gens ne boivent même plus de l'eau. En demandant de l'eau, mais ils boivent de l'eau plate. L'autre boit de l'eau gazeuse. L'autre pétillante. Allahu Akbar. Sur tous ces bienfaits-là, Allah a un droit sur nous, on doit être reconnaissant. Et sur tous ces bienfaits-là, on sera questionné. Certains envoient en image leurs plats. Certaines, quel que soit le plat, elles le photographient, elles le filment. Elles le mettent en profil, elles le mettent dans, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais sur les réseaux. Elles montrent sa vie, elles montrent ses repas à un tel ou une telle. Cette femme-là a-t-elle oublié qu'elle sera interrogée sur ses bienfaits-là? A-t-elle oublié que certaines de ses sœurs filles-là n'a pas les moyens de faire ce mets-là, ce plat-là? Et que peut-être elle brise le cœur de certaines sœurs dans la difficulté qui pensent comment nourrir ses enfants ce soir-là? Comment nourrir sa propre personne? Comment payer ses factures? Et elle étale tous ces repas-là. Elle étale ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Ceci ne fait pas partie de la sagesse. Mais la sagesse serait de remercier Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait-là et d'essayer de donner à ses voisines en premier lieu et aux autres dans le besoin. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il nous interrogera tous. Alunna yawma idin anin na'im. Vous serez questionnés ce jour-là sur les bienfaits. Sahaba, lorsqu'ils ont entendu cela, ont dit au messager d'Allah, yani pour des dates, au messager d'Allah, sur cela on sera interrogé, mais sur quoi on sera interrogé? Alors que ce sont que al-aswadan, ce sont que de l'eau et des dates. Rasulallah leur a dit, assurément vous serez interrogé sur cela. S'il en est ainsi pour de l'eau, des dates, l'état des compagnons, en tout cas de beaucoup de... Qu'allons-nous dire nous, alors que le pauvre parmi nous baigne dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fallahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et nous sommes dans le mois de Ramadan. Que les cœurs s'adoucissent. Cherchez des gens dans le besoin autour de vous. Lorsque la femme cuisine, qu'elle réfléchisse comment pourrait-elle se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla en cuisinant. Certes, la satisfaction de son époux. Certes, aider les membres de la famille à prendre des forces pour prier la nuit, pour jeûner le lendemain. Mais aussi en donnant un peu aux voisines. En donnant un peu aux voisines. Pas selon le délice du mets, mais le simple geste, en premier lieu, avec l'intention de satisfaire Allah Azza wa Jalla et de s'acquitter des devoirs envers les voisins, puis, ensuite, le délice du repas. Poursuivons, et on ajoute aux voisins les gens dans le besoin. Les gens dans le besoin. Et me revient une chose importante, du moins que je pense très importante, c'est le cas des gens esselés. Le cas de la femme veuve, le cas de l'homme divorcé, le cas du frère converti, de la sœur convertie. Et allez, ces gens-là, le cas du voyageur qui jeûne, ces gens-là sont souvent esselés. Essayons de nous organiser, pour leur faire parvenir, et allez, de la nourriture. À défaut de pouvoir se réunir, car c'est le confinement, au moins de leur faire parvenir ce qui va casser yani cette solitude, car elle verra cette personne qu'on a pensé à elle. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si Allah Azza wa Jalla nous donne aide et assistance, je ferai un groupe, je pense, Telegram, si j'installe cela, et on chargera une personne fiable de gérer ce groupe-là, et on s'entraidera dans divers projets, bi'idhnillah azza wa jal, dont celui-ci. Je voulais faire une entraide pour la lecture du Coran et l'encouragement pour lire plus le Coran qu'on le fait d'habitude. On ajoutera ce projet, bi'idhnillah azza wa jal. Et ceux qui souhaiteront s'entraider avec nous dans cela, ils nous rejoindront. Ainsi, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Fa'inni idhan sa'im »« Je suis donc jeûneur. » L'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala commande cela et dit « Il y a ici une preuve pour la plupart, pour la vie de la plupart des savants. c'est qu'il est permis de commencer dans la journée un jeûne recommandé. Un jeûne recommandé. Puis, certains savants divergent. Avant le zénith et après le zénith. Et ce qui apparaît, c'est qu'on peut le commencer même après le zénith. La seule condition est de ne pas avoir mangé ou commis un acte qui annule le jeûne. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mentionné, ta'liqan, que Abu Darda, radiallahu anhu, fit pareil. Il est rentré, Abu Darda, radiallahu anha, raconte qu'il est rentré, a dit, « Indakum rada, avez-vous le repas ?» Fa'in qulna la, lorsqu'il rentrait, il demandait, « Est-ce que vous avez à manger ?» Est-ce que le déjeuner est prêt? Si on répondait non, qala fa inni sa'imun yawmi hadha. Il disait alors je jeûne aujourd'hui. Al-Bukhari a mentionné que d'autres faisaient pareil comme Abu Talha. Abu Talha, Abu Huraira, Ibn Abbas wa Hudhayfa radiyallahu anhum. Et on trouve cela également dans le Musannaf de Abd al-Razzaq et d'Ibn Abi Shayba qui يعني إمام البخاري لما سنت تعليقا إيه أوصلوها أي بعض الأسانيد بعض الأسانيد. Sur l'intention, une remarque. Faites attention waswas. Attention ceux qui sont malades du waswas. L'intention, c'est le simple fait que le cœur dise je vais faire telle chose. Il a mis l'intention. Le simple fait qu'il se lève pour manger en avance, c'est que l'intention est déjà mise. Donc, le simple fait de se dire « je jeûne aujourd'hui », c'est ça l'intention. Certaines personnes disent « je ne sais pas si j'ai mis l'intention ». Tu lui dis « t'as mis ton réveil ?» Oui. « Tu t'es levé ?» Oui. « Tu as mangé ?» Oui. Subhanallah. Et avec tout ça, tu ne sais pas si tu as mis l'intention. Ça, c'est le waswas, c'est la maladie. « Iyadhan billah ». Il faut chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan. C'est interdit de suivre les pas du Shaitan. Ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutwati Shaitan. Certains ont tellement de waswas qu'ils considèrent le jeûne trop lourd, pas par la faim, la nourriture et autres, mais parce qu'ils se battent avec le diable qui leur dit tu n'as pas mis l'intention, tu n'as pas mis l'intention. Allahu Akbar. Bien sûr que tu as mis l'intention. Et rappelle-toi que le prophète alayhi salat wa salam a dit al-bayyina 'ala al-mudda'i. Celui qui prétend, qui accuse, à lui d'amener la preuve. Donc toi, tu sais que tu as mis l'intention, Shaitan t'accuse d'une chose, à lui d'amener la preuve. Ne lui prête pas attention. Et laisse yawm al-qiyama le jugement. Laisse le jugement yawm al-qiyama. Une autre chose concernant l'intention, si une personne dit, Inch'Allah, demain je jeûne, est-ce que cette intention est suffisante? C'est du cas par cas. Dans le cas où il entend par Inch'Allah, ou bien je jeûnerai demain, Inch'Allah. S'il entend par Inch'Allah, je jeûnerai un jeûne complet, parfait, Inch'Allah. Dans le sens où, ça n'est qu'avec l'aide d'Allah que je pourrais délaisser les péchés, parfaire mon jeûne. Son jeûne est valable, il a mis l'intention. Il a rattaché à la volonté d'Allah la perfection de son jeûne. Et non pas le fait, non pas l'intention de jeûner. Il est déterminé dans son intention de jeûner, mais il a rattaché à la volonté d'Allah l'excellence dans son jeûne. Donc ça, c'est permis et l'intention a été mise, c'est valable. Par contre, celui qui dit Inch'Allah dans le sens où peut-être je vais jeûner, peut-être je ne vais pas jeûner, ça n'est pas valable pour un jeûne obligatoire. Ça n'est pas valable pour un jeûne obligatoire. Qu'en est-il s'il est le 30 du mois de Sha'ban? Et il dit demain, je vais jeûner, Inch'Allah, si c'est Ramadan. S'il ne met pas une intention ferme et que c'est Ramadan, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que l'intention, elle doit être déterminée. Il doit y avoir de la détermination. Par contre, s'il est le 30e jour de Ramadan, ou plutôt s'il est le 30 de Ramadan, et qu'il dit demain, Inch'Allah, je jeûne. Si c'est Ramadan, et si ce n'est pas Ramadan, jurons le jeûne. Là, dans ce cas-là, c'est valable. Dans ce cas-là, c'est valable. Pourquoi dans le premier cas, c'est pas valable? Et dans ce cas-là, c'est valable. Parce qu'il y a une différence entre l'objet de entre la chose de base et la chose sur laquelle il doute. Dans le premier exemple, la chose de base, c'est qu'il ne jeûne pas. Et la chose douteuse, c'est est-ce qu'il va jeûner ou pas. Il dit si c'est Ramadan, demain je jeûne. Là, il ne jeûne pas, c'est ça sa base. Il est sûr de ne pas jeûner, c'est ça son intention de base. Et la chose douteuse, c'est est-ce qu'il va jeûner ou pas. Donc là, c'est pas valable. Dans le deuxième cas, il est dans un mois où il jeûne, il a l'intention, il ne l'a pas coupé. Et il dit si demain c'est l'Eid, je ne jeûne pas. Et si c'est Ramadan, je jeûne. Et là, il est sûr de jeûner, il a son intention. Mais le doute n'est pas porté sur le jeûne, il est porté sur le fitr. Ainsi, son jeûne est valable. Ainsi, son jeûne est valable. Pour finir, sur l'intention, il faut faire attention entre deux choses. Le fait de couper son intention et le fait de mettre l'intention de la couper. Couper l'intention, avoir l'intention de la couper. Ce sont deux choses différentes. Celui qui dit « je romps mon jeûne, je cesse de jeûner », il coupe son intention. Lui a annulé son jeûne. Il dit « j'arrête de jeûner ». Khalas, ce dernier a rompu son jeûne. Ce dernier aura rompu son jeûne. On peut imaginer un exemple, c'est qu'il est en voyage. Il sait qu'il a la permission de jeûner. Il rentre à l'hôtel. Il dit « je coupe mon jeûne ». Il rentre à l'hôtel pour boire de l'eau. Arrivé à l'hôtel, il ne trouve pas d'eau fraîche. Et il trouve que les magasins sont fermés. Il dit « bah, finalement, je vais jeûner. Vu qu'il n'y a pas à manger, je vais jeûner. » On lui dit « que tu manges ou que tu ne manges pas, ton jeûne de ce jour-là n'est plus valable. Tu as rompu ton jeûne et tu dois le rattraper. » Pourquoi ? Parce que tu as coupé ton intention de manière ferme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « innama al-a'malu bin-niyyat ». Donc la plupart des savants disent qu'il a annulé son jeûne, il doit le rattraper. Le deuxième cas, c'est le cas de celui qui rattache la rupture au futur. Il dit « je vais couper mon jeûne ». Il dit « dès que je trouve de l'eau, je coupe mon jeûne », par exemple. Puis le temps se fait long, ou plutôt le temps passe, il ne trouve pas d'eau. Une fois qu'il trouve de l'eau, c'est proche du Maghrib. Il dit finalement, je ne coupe pas mon jeûne. Est-ce que son jeûne à lui est valable ou pas? Oui, tant qu'il ne boit pas d'eau, tant qu'il n'annule pas son jeûne, pas un acte qu'il annule comme boire, manger ou autre, son jeûne est valable. Quelle est la différence entre les deux situations? C'est que le second a rattaché cela au futur. Donc tant qu'il n'agit pas, en fonction de ce qui rompt le jeûne, son jeûne est valable. Et il n'a pas à le rattraper. Il n'a pas à le rattraper. Voici les conditions d'authenticité du jeûne. Être musulman, avoir la raison, distinguer, avoir, atteindre l'âge du discernement, compléter 7 ans. L'arrêt, l'interruption des menstrues ou des lochis. Et le fait d'avoir l'intention avant le fajr. Le fait d'avoir l'intention avant le fajr. Voici les conditions d'authenticité. Voici les conditions d'authenticité. Barakallahu fikum. Nous arrêtons sur cela. Et demain, incha'Allahu ta'ala, nous étudierons d'autres points relatif au jeûne du mois de Ramadan, comme wajibatu as-sawm, comme les obligations dans le jeûne de Ramadan, comme l'obligation, les obligations du jeûne du mois de Ramadan. À titre d'exemple, al-imsak inda al-fajr As-sadiq. Par exemple, le fait de s'arrêter de faire tout ce qui annule le jeûne une fois le fajr arrivé. Une fois le fajr arrivé. Une autre obligation, le fait de rester dans cet état jusqu'au coucher du soleil. Et ainsi de suite. On étudiera cela demain, bi-idhnillahi azza wa jal, ainsi que les choses qui annulent le jeûne, ainsi que les choses qui annulent le jeûne. Et s'il reste du temps, on étudiera les choses recommandées, ou probablement qu'on laissera cela pour un prochain cours. Bi-idhnillahi azza wa jal. Wallahu a'lam. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté par mail via le site La Voix Droite pour me demander comment participer, comment aider pour nourrir des pauvres et aider des gens dans le besoin. Naam. Donc vous pouvez me contacter par mail via le site La Voix Droite et je vous informerai. Également, il y a une chaîne Telegram qui sera faite pour vous tenir informé. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de faire un groupe sur WhatsApp sans que les gens puissent communiquer entre eux et ainsi de suite. Donc je demanderai à ceux qui savent et vous serez tenus informés, inshallah ta'ala, durant le prochain cours. Pour ceux qui veulent participer, il y a un PayPal et d'autres moyens et on distribue aux ayants droit et aux gens dans le besoin. Il y a plusieurs personnes dans le besoin. On leur fait parvenir, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, son aide et son assistance. Wa al-fadlu biyadillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا وارحم أمهاتنا اللهم اغفر لنا واغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارفع درجاتهن في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين يا كريم يا جواد يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك